إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق برمبي تبارك وتعالى تي سنو تيربو دي المنتقى من إغاثة اللحفان من مصايد الشيطان. بلغي نيجي تي الباب السادس مجرم بنيلو بنتو بي gisone nañ ci dars bi wessu ne deug deug xol dal mi ngi dundu mi ngi dalé mi ngi xewlo ci bu fekenteene dafa deugmal ci boromam kep njaru ci lenen wala jaxase wu ci lenen mangok xam nga lolu moy principe naturelu matière yep ba bo démé ci li nga xamanteni moy science wala ci chimie des fois buñ bëggé bolé ñaari matière il faut ñu aajo wo lu ñuy wax stabilisateur wala bok benen jumtuway bo xamni mélange bi day mëna homogène day manam day mëna jaxaso budul lolu rek aha ak jaxaso do am. Par exemple, tay bo jëlone ndox ak dawlin nga boole len ci ben ndab da nga yëngal ba sonu mais duñ jaxaso sa yo yëngale way ba sa yoxot la say loxo tokki nga tek ko ba ko tege dawlin bi dem yonam ndox mi dem yonam gis nga bu boba kon da ngay soxla ben emulsifiant wala bok benen produit bo xamanteni ni tay day mëna jaxase dewlin bi ak ndox mi ñu mëna jaxaso gis nga mangok xol nak mo gëna graw lolu mo gëna upp sensibilité ci lolu motax so ci njaré ludul yalla rek lor lay jural xol bi da koy jural stress daf koy jural xétu mbugal bo xamanteni ni da fay atteindre sa âme sa ruh lay atteindre diko consumer ndank ndank par rapport ak degré wu li nga duggal ci sa bir xol te du yalla lolou motax bu len woy kan yi woy kat yi nax woy kat yi ay naxate kat lañ ash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun naam mune ash-shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun woy kat yi ñi len di top moy ñi nga xamni dañu nek ci ndëngëte ñi sanku parce que way kat yi dañ leen di sank mangok dañuy pervertir sen xol mangok dañuy pervertir sen âme mangok la musique c'est l'un des moyens de pervertissement des âmes mangok ça corrompt le cœur musique da fay corrompre le xol da fay essayer jouer rôle émulsifiant bi nga xamni mom ngay def pour jaxase ndox ak dawlin lolu lay essayer def gis nga bolé ñaar yu bokul dinako bolé ci notion bo xamanteni équilibre du am lolu mo taxone ndaysan sahaba yi ridwanullahi alayhim deg giñ deg diina ak deg giñ deg aduna ñu doon wax nan musique day jëmbat ci xol nafiq xam nga nafiq hypocrisie moy lan moy feñal lo xamni deggul ci yow. Donc essayer de allier ñaari mir yo xamanteni mënu ñu and. Donc il faut faire très attention. Ñoñu nak way kat yoyu ngay dégg ñu naan diiw ci xol wala nangam ci xol. Gis nga? Jël ay mbir yo xamni yu doyé di la wala ay mindeef bëgg leena pousser yeen ngeen tijji seen xol jël ñoñu duggal leen fa ngeen waron duggal seen borom. Manam fa ngeen warona ag ci bëgg seen borom wala bok wall ga nga xamni ci seen xol jaamu ga ngeen wara jaamu seen borom mo fa wara nek. Il faut faire très attention. Mune kon ki def lolu duggal ci xolam ludul borom bi tabarak wa taala koku xolam bobu day nek ci mbugal mbugal bu continue bu perpétuel bu ci déwé nak mom bu boba mbugal ga nak day atteindre l'âme ba paré atteindre le corps physique yawmal qiyamé kazalika mbugal ga non lay démé kon il faut faire très attention ci nit ki limuy duggal ci xolam mune donté mën na né li may duggal sama xol dina ci am plaisir légolék naam mën nga ci am plaisir légolék wayé tékkiwul né rek lo am plaisir baxna lol tam il faut faire très attention parce que sunu société tay dafa am tendance ci doxé nonou lepp loy am plaisir rek lepp lo xamni yeung ci sa bop rek baxna est ce que gis nga mangok lolou motax ci principe bobu principe bu erroné bobu lolou motax tay ñu daganal ñu légiférer yonal lo xamni mën na yaq aduna ñu daganal défar gi daganal jaay gi ay nit diko manipuler gis nga parce que lan science tay dafa corrompu jëlal lu melni l'industrie de l'armement mu bok ci industrie gëna dox jamono ji mais arme bu doxé lolou muy tekki moy dérétu doomu adama moy touru eh bien il faut se poser la question qui fabrique ces armes là c'est des extraterrestres c'est des djinn hein comme niñ koy waxé hein ñom ñoy wax extraterrestres allahul musta'an yes nga mangok mais li fi né moy ay djinné djinné ñoy défar armes yi mais ce sont les êtres humains nit ñi ñoy défar armes yi pour s'autodétruire aduna amone un certain équilibre doomu adama lim don jamar lol mu don lan mu don ay xétu fébar ay xétu famine ay xétu difficulté ci dundam doomu adama réussiron na domté yoyu parce que da don adapté sunu borom dafa def ci yaramu doomu adama une capacité d'adaptation bo xam c'est extraordinaire est ce que gis nga mais bi science moderne ñëwé qui le détruire cette faculté là. Gis nga ko? Mu détruire ko. Naxélé ci ay garab yo xamni daf koy fajé fièvre yi nga xamni manam yaangi len don domté. Gis nga? Ba commencé won len assimiler, commencé won len gérer, commencé won adopter, di len dominer. Wayé am lenen lu nekk ci ginnaw lolu. En même temps mu créer lu gëna graw fièvre yoyu cancer ak bombe atomique bu gëna graw cancer ak bombe atomique bu gëna graw insuffisance rénale ak bombe H bu gëna graw mais il faut faire des études et faire des comparaisons pourquoi nit ñi hein ñu nekk ño xamanteni ni duñu gëm ludul li media yi wax mais c'est là où réside le problème fofu le problème bi nek duñu déglu borom xam xam yi duñu jang xam xam gis nga déglu wuñu lujul li media yi di wax pourquoi est-ce que da ngeena judd ci lolu ci déglu media hein mais tek len media yi de côté il ne vous donnerait jamais les bonnes informations liñu bëgg ngeen gëm ko mom lañ leen di wax mom lañ leen di gëmlo té lolu moy endoctrinement dañ leen di endoctriner mais c'est ça lolu mo fi nek motax buñu nane révolution mi ngi tambalé nga fay télé bi cap et puis on nous parle de développement ben télévision ñaata lay jar actuellement ti day da ngay dugg keur gi gëna pauvre ci Sénégal au minimum ding fa fekk ben écran plat ci salle bi écran plat ci couloir bi écran plat ci négu papa ji écran plat ci négu yaaji parce que gaay sen programme légui ñi ngi générer ay programme yo xamni papa ak yaay ak doom mënu ñoo togondo ci ben salle diko sétanando mënatul nek légui donc papa day am écran yaay am écran doom am écran lolu en terme d'argent en terme d'économie ñaata xaliss la han lolu tabaxul jakka lolu tabaxul ay dara han lolu tasarewul xam xamu diine islam pourquoi nga ne ko loy doyeli mune no dama bëgg xam les informations ce qui se passe dans le monde alors que mbir yu bari ñi ngi passé dans le monde te yego ko te écran plat yang le wër écran plat yang le wër hein lañ bëgg woné lañ lay won té lañ lay won dañ koy raxas défar ko ba nga xamanteni suñ la ko woné nga gëm liñ ci bëgg loolu lañ lay won loolu moy information loolu information wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah kon ñu bayyi xel bu baax dello ci xol yi ak gisin yi ak approche yi monde moderne bi tay dafa laaj un peu de recul ce monde moderne là dafa laaj un peu de recul mais bo nekké dans la masse rek tu vas te noyer da ngay lap ci bir di nga taxaw yawmal qiyamati sa borom won la ay mbir ngay japp sa gemign mangok ONU OTAN fu nek ñi wax la paix dans le monde la paix dans le monde mais kan moy protéger les fabricants d'armes kan mo len di régir ay loi ñu mëna fabriquer kan mo len di jox ay licence ñu mëna fabriquer des armes ah kan moy joxe résolution kan moy joxe autorisation ñu jël ay armes diko sorti ci ay deuk ah di len door ay missile balistique di ray seeni dom fagaagal seeni jigen alak seeni goor village entier ñu détruire ko tal ko ci ay bombe keur ya tak nit ña dé xar yaak nak yeek bay yi yep dé kan moy signer traité yoyu kan moy signer résolution yoyu kan moy joxe ordre yoyu kan la jinne bay yi ginar yi wala doomu adama l'homme moderne est l'ennemi de l'humanité l'homme moderne est l'ennemi de l'humanité niti tay ñoy sen nonu bop aduna bi amon nak dal amon nak jam doomu adama nekkon ci état bu lan nan lay jamar lo wek manifestation naturelle yi nga xamni moy xif manifestation naturelle yi nga xam moy febar nan lay jamale ak mom di adopter di dem science moderne ñew dag lepp yak lepp créé fi benen doxalin créé fi benen tundin bo xamni bu dakul sankute lay jural doomu adam yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala ye bañu yewu mu may ñu ñu xippi sunuy bëtt ak sunu gis gis xol ñu mëna xol mbir yi tel quels sont sinon aduna bi tay c'est un théâtre de marionnettes seuls les marionnettistes comprennent ce qui se passe parce que ñom ñoy manipuler les gens yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala sam sun jabot assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.